unser Danksagungstag und wir gehen auch in einen neuen Monat ein. Aujourd'hui c'est le jour de l'action de grâce et on entre aussi un nouveau mois. Christ month. Monat von Christus. Un nouveau mois du Christ lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So please be part of Christ. Sei bitte Teil von Christus. Donc s'il vous plaît, soyez vraiment en Jésus-Christ. If even you travel, let it be Christ. Dass du nur verreist, lass du, dass es Christus ist. Ah, aussi quand vous faites des, vous, si vous voyagez, permettez que ce soit Jésus-Christ. It's not just about listening to the world alone. Es geht nicht nur darum, der Welt zuzuhören. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, d'écouter la prédication ou de suivre la parole de Dieu. Be part of the ministry. Sei Teil von der Gemeinde. Sois vraiment parmi nous, sois vraiment une part, un membre du ministère. Completely. Vollkommen. Complètement. And not half. Et pas seulement à moitié. Amen. Amen. That you travel does not mean you don't bless the house of Christ. Dass du verreist, bedeutet like Mama nicht, dass du das Haus Gottes segnest. Amen. Que juste parce que tu voyages, ça veut pas dire que tu bénis pas la maison de Dieu. Amen. Amen. We are to learn to be there for Christ Jesus, wir even in lernen, our journey. Because even your journey should even help you to be more. Da zu sein, auch wenn wir verreist sind. Amen. Weil wir verreisen, sollten wir sogar erst recht geben. Juste parce que tu n'es pas là, que tu as voyagé, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bénir la maison de Dieu. Au contraire, si tu n'es pas là physiquement, ça doit même te pousser à encore plus bénir la maison de Dieu. Amen. Amen. I have not even thought about it. I want to start the Lord, just call her name. Amen. Amen. Praise the Lord. Let us surrender to Christ fully. Lasst uns Christus vollkommen hingeben. On doit vraiment se soumettre complètement à Jésus-Christ. You know, because of the internet message today, people are happy that, you know, in the church, okay, you bless the house of Christ. Once you are in your home, you don't need to bless the house of Christ. You don't go to church. You only listen on internet. That you bless the house of Christ is not because you attend the church. It's actually because you are a son of God. Und momentan durch die ganze Corona-Pandemie und all die Sachen, die passiert sind, ist ja jetzt sehr ist jetzt sehr bekannt oder sehr üblich geworden, dass Leute von zu Hause aus sich die Botschaft anhören durchs Internet. Und deswegen denken viele Leute, dass, okay, weil ich jetzt die Gemeinde nicht mehr physisch besuche, brauche ich nicht mehr zu geben. Aber wir geben ja nicht, weil wir physisch in der Gemeinde sitzen. Et c'est devenu presque normal de suivre seulement la prédication à l'internet parce que à cause de la pandémie qu'on avait et tout. Mais juste parce que tu n'es pas physiquement à l'église, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bénir la maison de Dieu. Tu ne bénis pas la maison de Dieu parce que tu y vas pour entendre la prédication, mais plutôt parce que tu es un fils de Dieu. C'est pour ça que tu blesses ta maison, la maison de Dieu. Praise the Lord. You know why I laugh? In Nigeria, during the corona, when we were there for 3-4 months, and you know, churches were closed, and offering, there was no tithe and offering. Pastors, we are so angry. Why were they angry? Not that the people were not receiving Christ. They were not receiving the message. But it was all about they were not blessing, no tithe and offering in the church any longer. Okay, another month, no tithe and offering. This month, we have to say and don't again. Praise the Lord. Mm-hmm. You know, Papa's brother said it to me when I was there. He said, people, look at white people. I said, it's so evil. Are you getting it? I said, you can see their message. You know, if your message, if it is all about Christ for you, no one, if even you are in your home, you will be there for Christ Jesus. It is when it's about the church. Actually, it's about Christ. So, you know, it can be about the church and not about Christ for you. A lot of people today in churches, about the church and not about Jesus Christ. For them. Als wir vor 2 Jahren in Nigeria waren für einige Monate, und das war ja während der Pandemie, da waren ja viele Gemeinden geschlossen, weil man sich nicht mehr versammeln durfte in so einer großen Anzahl. Und viele Pastoren haben sich schon deswegen beschwert und haben gemeckert, weil sie gesagt haben, na toll, wieder ein Monat, wo die Leute dann nicht geben werden, weil die Leute ja nicht physisch anwesend sind im Gottesdienst, um halt zu geben. Und die Leute haben sich halt beschwert. Und die Leute haben sich nicht beschwert, weil na toll, wieder ein Monat, wo die Wahrheit nicht an die Leute rankommt, verkündigt werden kann auf physische Weise. Auf physische Weise. Und die haben sich eh darüber beschwert, dass das Geld sozusagen nicht mehr reinkommt. Ne? Und das zeigt auch einfach die deren Botschaft. Ne? Einmal, dass diese Botschaft entweder darauf aus ist, Geld zu bekommen, oder auch, dass diese Leute nicht wirklich in Christus gegeben haben, sondern einfach nur gegeben haben, weil sie physisch an einem Ort sind. Es ging ihnen nur um die Institution, Kirche, Gemeinde, aber nicht um Christus wirklich selbst als Königreich Gottes. Et on a dit qu'elle se rappelle quand ils étaient, il y a 2 ans, quand ils étaient au Nigeria aussi pendant la pandémie, ils ont dû rester là-bas pendant 2-3 mois et ils ont aussi parlé avec d'autres pasteurs et tout. Et ils ont vu que beaucoup de pasteurs, ils étaient même énervés parce que il y avait plus d'offrandes à l'église, il y avait plus de dîmes parce que les gens ne venaient plus physiquement à l'église. Mais normalement, la raison pour laquelle ils devaient se soucier, c'était que encore un mois est passé sans que les enfants de Dieu ont reçu leur nourriture, ont reçu la parole de Dieu. Et on peut voir c'est la différence dans les différentes motivations que les gens ont. Some time ago, there was a lady, a couple that were here, and the lady said to me, that is the wife, she said she was going to a church in Düsseldorf, and they were always asking for money, and she's no longer going. She now listens through internet. She listens to message. Then I said, it means you are no longer blessing the house of Christ. He said, no. I said, why? I said, I don't go to any church, but I bless the house of Christ. He said, Who are you blessing? I said, the people you listen to, look for their address, phone them, ask them. I have to labor to get the account number of churches to bless them. I said, and you are saying you have problem, because I could see how she was complaining for everything and in everything. So I said, because she was listening to the same pastors I was even listening to them. She even went to the pastors, because the pastor is in America, Andrew. Mm-hmm. Well, to their conference. I have never been there. But through internet, I looked for their account number. I started blessing them. Then I said, you that have been to their conference, and you are happy that it's through internet that you don't need to bless them. I said, you don't even know the motive. If you know the motive, it's all about you. They are not hungry. You are the one that is hungry. You are the one that will be full of complaint. It's not about them. I said, then how much are you blessed? I said, 300 every month for now. Maybe I'll increase it later. He said, are you owing them? I said, you know what I'm owing Jesus Christ. I cannot even pay. No one can buy the kingdom of heaven. It is, the money to buy it is not here on earth. So you can see, she was happy that there is internet where she can listen to and not be there for Christ. You want to eat your cake and have it. It does not work that way. Wir hatten eine Familienfreundin, die sich beschwert hatte darüber, dass dort, wo sie örtlich zur Gemeinde geht, dass die Leute dort immer um Geld bitten, und das hat sie genervt, und sie hatte halt eher den Eindruck, dass diese Gemeinde, dass es da nur um Geld geht. Deswegen ist sie aus dieser Gemeinde ausgetreten und hat dann angefangen, sich im Internet einen bestimmten Prediger nur noch anzuhören. Und sie war deswegen sehr glücklich, weil sie sich auch gedacht hat, gut, ich kann mir das anhören, da fragt mich niemand nach Geld, da fragt mich niemand nach Hilfe oder sonstiges, sondern ich höre mir einfach die Botschaft an, nimm mir das mit, was ich brauche, und gut ist. Und habe meine Beziehung mit Christus von zu Hause aus. Und das hatte sie mir halt dann erzählt, freudig. Und ich habe ihr halt gesagt, dass, ey, das ist nicht von Christus, weil dein Motiv ist einfach fleischlich. Du suchst dir einfach den einfachen Weg, wie du dich selbst erfüllen kannst. Aber du willst nicht in das Königreich Gottes geben. Und du denkst, dass du sozusagen am längeren Hebel hängst, weil du beispielsweise nichts geben musst. Aber du bist die Person, die Mangel ist dadurch. Nicht diese Leute, denen du nichts gibst, ne, wenn sie wirklich die Wahrheit predigen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe auch in keine Gemeinde, weil es war zu der Zeit, wo wir noch keine Gemeinde hatten, auch nicht zu einer Gemeinde gegangen sind. Aber ich habe mir immer wieder einen auch bestimmten Prediger angehört und habe dann gesagt, ich suche mir immer die Kontodaten von diesen Leuten raus, denen ich regelmäßig zuhöre, und rufe da an und lass mir die Kontodaten geben und gebe da monatlich in diese Gemeinde. Ich sage, was, wieso machst du das? Ja, weil diese Leute mich füttern mit geistlicher Nahrung. Und deswegen gebe ich dieses Königreich, damit das Königreich von Christus halt noch mehr verherrlicht werden kann, noch mehr verbreitet werden kann. Und das ist für mich selbstverständlich. Und dann hat sie mich gefragt, wie viel gibst du denn? Ich sage, ja, 300 Euro. Und ich möchte, dass es noch mehr wird. Ich sage, was? Schuldest du dir Geld oder was? Wieso so viel? Ich sage, ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann, weil ich kann das, was der Herr für mich getan hat, gar nicht zurückzahlen. Es geht gar nicht. Na, in Römer 12 sagt sogar, dass ich gebe sogar meinen Körper her, das ist ein lebendiges Opfer, aber selbst das reicht ja noch nicht mal, um zurückzuzahlen, was er für mich getan hat. Na, und keiner kann die Botschaft von Christus bezahlen, kein Geld auf der Welt kann es bezahlen. Und sie war halt deswegen schockiert, aber es hat einfach ihr Herz offenbart, dass sie versucht hat, das System sozusagen zu umgehen, aber sie hat nicht gewusst, dass sie selber in Gefangenschaft lebt. On avait une amie de la famille quand on n'avait pas encore notre propre ministère, enfin le ministère de Jésus-Christ n'était pas encore ici. Elle se plaignait que dans l'église où elle partait à Düsseldorf, les gens voulaient avoir trop d'argent. Donc elle a commencé à écouter la prédication par sur Internet. C'était un pasteur américain et elle a même participé à des conférences qu'ils avaient ici. Et c'est aussi le même pasteur que j'écoutais pendant ce temps-là. Et cette femme se plaignait toujours. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle continue à donner à l'église? Elle a dit que non, parce qu'elle a évité cette église à Düsseldorf pour ne plus donner à l'église. Elle lui a dit que c'est là aussi la source de ses problèmes, parce que quand tu bénis la maison de Dieu, tu le fais pour toi-même et pas pour les personnes comme telles. Parce que maman lui a dit que les personnes là-bas, ils ont faim du Christ, mais ils sont nourris par le Christ lui-même. Mais toi, tu n'as pas tout donné au Christ. C'est ça le problème que tu as. Donc, il faut vraiment savoir quelle est ta priorité et aussi vivre selon nos priorités. Et là, on n'aura plus de problème pour donner, pour remettre l'argent qu'on a du Christ, pour le remettre à lui. Et c'est ça qui est le plus important, de faire confiance au Christ et de lui donner ce qu'on a. Praise the Lord. Amen. If you are rejoicing that you are not there for Christ, you are also rejoicing that Christ is not there for you. Wenn du dich darüber freust, dass du nicht für Christus da sein musst, dann freust du dich auch dafür, dass Christus nicht für dich da ist. Si tu es content que tu es capable à éviter de donner à la maison de Dieu, tu es aussi content du fait que Jésus-Christ n'est pas là pour toi. If you believe him, you will be there for him. Wenn du ihn glaubst, wirst du da sein für ihn. Parce que si tu crois à Jésus-Christ, tu vas être aussi être là pour lui. Praise the Lord. Amen. So this message, we continue with our heavenly message. Amen. Die Botschaft von heute, da werden wir wieder weiter in unserer himmlischen Botschaft, mit himmlischem Thema. Aujourd'hui, on va continuer avec notre message céleste, notre prédication céleste. Heaven only sees the finished work of Christ. Der Himmel sieht nur das fertige Werk von Christus. Le ciel ne voit que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you read the whole of Revelation, it's talking about the finished work of Christ. Wenn du das ganze von Offenbarung liest, es geht um die um das Werk von Jesus Christus. Si on lit l'Apocalypse par exemple, on va voir qu'il s'agit seulement de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Whatever is looking at you, all you want to see is the finished work of Christ. Wenn der Himmel auf dich schaut, will der Himmel nur das fertige Werk von Jesus Christus in deinem Leben sehen. Donc si le royaume des cieux, le ciel te regardent, ils veulent seulement voir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ dans ta vie. And that's why you only receive what Christ died for. Deswegen empfängst du auch nur das, wofür Christus gestorben ist. Et c'est la raison pour laquelle que tu reçois seulement ce que le Christ est mort pour. You can only have what Christ paid for. Du kannst nur das bekommen, wofür Christus gestorben ist. Tu peux seulement recevoir la chose laquelle Dieu est mort. Ouais, les choses pour laquelle le Christ est mort. And that's why if you are, and that's why faith does not move God. Faith moves you. Der Glaube bewegt nicht Gott, sondern dich. Et c'est la raison pour laquelle que la foi ne bouge pas l'Éternel, mais la foi te met toi-même en mouvement. Faith moves you to get what Christ provides for you. Der Glaube bewegt dich dazu, das zu empfangen, wofür Christus was Christus dir versorgt hat. Mm. Et c'est ta foi qui t'amène vers les choses que l'Éternel a réservées pour toi. For example, the woman with issue of blood. Remember that story. La femme avec les problèmes de sang, par exemple. You know, Jesus said, your faith, let's go there, so that I will not quote it wrong. Amen. Your faith is your victory. Dein Glaube ist dein Erfolg. Ta foi et ta victoire. Mark 6. Praise the Lord. Alléluia. Your faith has made you whole. Faith. Mark 5. Mark 5. Verse 34. 34. Marc 5, verset 34. And he said unto her, as Jesus Christ said unto the woman with issue of blood, daughter, your faith has made thee whole. Go in peace and be whole of your plague. Your faith. This woman's faith moved this woman to collect what Jesus paid for. That's faith and grace. Amen. Glaube und Gnade, das, was diese Frau geglaubt hat, hat sie dazu bewegt, das zu empfangen, für die Gnade schon versorgt hat. Donc, on peut, Marc 5, verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On peut voir que c'est la foi de cette femme qui l'a menée vers la grâce de Jésus-Christ, parce que dans la grâce de Jésus-Christ, il a déjà tout réservé pour nous dans cette grâce. Jesus has paid everything. Jesus hat alles bezahlt. Jésus-Christ a déjà tout payé. But without your faith, they don't belong to you. Aber ohne deinen Glauben gehört es dir nicht. Mais sans la foi en Jésus-Christ, toutes ces choses ne t'appartiennent pas encore. If you remember Ephesians 2 also said the same thing. Ephesians 2 hat auch das gleiche gesagt. Ephésiens 2 a dit aussi la même chose. Ephésiens 2 says we are saved by grace through faith. Wir sind errettet durch Glauben aus Ephesians 2 verse 8 and 9. Ephesians 2 Ephésiens 2, versets 8 et 9. He said, for by grace are you saved, but through faith. Are you getting it? Mm. You are saved by grace. But not without your faith. Aber nicht ohne deinen Glauben. Without you believing, you are not saved. Wenn du es nicht glaubst, bist du nicht errettet. On est sauvé par la grâce de l'Éternel, mais à travers notre foi. Donc, sans notre foi, la grâce de l'Éternel n'est pas valable pour nous. And he said, and that it is not yourself, it is the gift of God. Mm. It is not your hard work. Es ist nicht dein hartes Arbeiten, dein schweres Arbeiten. Donc, c'est pas à travers tes œuvres, mais à travers la grâce de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. That not of yourself, it is the gift of God. Mm. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. It is a gift of God. C'est une Gabe Gottes. C'est un cadeau de l'Éternel. And that's why if you are going to steal, amen, You can believe your faith can. Jesus did not die for you to steal, kill and destroy. Jesus ist nicht dafür gestorben, damit du tötest, stehlst und zerstörst. Jésus-Christ n'est pas mort afin que tu puisses tuer, voler, détruire. Amen. Amen. That you are going to steal and you believe in faith, move God. Faith will move God to make it possible for you to steal, kill and destroy. Weil wenn der Glaube Gott bewegen würde, könntest du Gott dazu bewegen, dir zu helfen, zu stehlen und zu töten und zu zerstören. Et si Et si notre foi peut mettre l'Éternel en mouvement, on pourrait même l'Éternel pourrait même nous aider à détruire, à voler et à tuer. Your faith move you. Praise the Lord. Mais ta foi te met toi-même en mouvement. Amen. To have what Christ have for you. Um das zu haben, was Christus für dich hat. Pour recevoir ce que le Christ a pour toi. Again, today is our Thanksgiving Day. Heute ist unser Danksagungstag. Encore une fois, aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And before we continue from there, I've just said that number one is heaven see the finished work of Christ. So also you learn to see the finished work of Christ. Der Himmel sieht das fertige Werk von Christus. Genauso musst du lernen, auf das fertige Werk von Christus zu schauen. Amen. Tout comme l'Éternel voit le ciel, voit toujours l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Nous aussi, on doit faire la même chose. On doit toujours voir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Heaven sees if you are seeing the finished work of Christ. Der Himmel weiß oder sieht, ob du auf das fertige Werk von Christus siehst. Le ciel voit si tu es concentré sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ ou pas. I hope you understand. Heaven concentration is on the finished work of Christ. He's looking at you if you are depending on the finished work of Christ. Die Konzentration des Himmels ist auf das fertige Werk von Christus und es schaut auf dich, ob du auch auf das fertige Werk von Jesus Christus schaust. Donc le royaume des cieux dépend ou alors non, regarde et concentré sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et en même temps, le royaume des cieux peut voir si toi, dans ta vie, tu dépends de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ ou pas. Again, you learn to see the finished work of Christ. Du lernst, das fertige Werk von Christus zu sehen. Amen. Et on apprend à voir seulement l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. That is how you will never doubt. You will never be afraid. You will never be in unbelief. So wirst du niemals zweifeln, du wirst niemals Angst haben, du wirst niemals im Unglauben sein. Et c'est de cette manière qu'on sera jamais dans l'incroyance, qu'on sera jamais dans le doute. The finished, it's not, it is going to be finished. Und das fertige, it is a done deal. Nicht das, your victory is a done deal. Are you getting it? It is, no matter what you see outside, it is finished. Es ist fertig, egal was du draußen siehst, es ist fertig, dass du glaubst daran, dass es ein fertiges Werk ist, nicht noch ein voranstreitendes Werk. Et c'est important de savoir et de croire que Jésus-Christ a tout accompli et pas qu'il va finir son œuvre, mais que son œuvre est déjà finie, qu'il a déjà tout accompli. Are you getting it, please? You know, that is why God's children, we don't pray to be healed. We pray to believe we are already healed. Deswegen, Kinder Gottes, wir beten nicht dafür, geheilt zu werden. Beten nicht darum, geheilt zu werden, sondern wir beten für zu glauben, dass wir schon geheilt sind. C'est pour ça les enfants de Dieu ne prient pas pour la guérison, mais on prie plutôt pour croire qu'on est déjà guéri en Jésus-Christ. Amen. We don't pray to be blessed. We pray to believe we have already been blessed. Amen. Wir beten dafür zu glauben, dass wir schon gesegnet sind, nicht um Segen zu empfangen. On prie pas pour être béni, mais on prie pour comprendre, pour croire qu'on a déjà été béni par. Your prayer should be, Father, help me to believe you. Dein Gebet sollte sein, Vater, hilf mir, dir zu glauben. Donc notre prière doit plutôt être de demander au Père de croire, de nous aider à lui faire confiance, à croire en lui. Ephésiens 1, verset 3. He said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Past tense. Die uns gesegnet hat. Amen. Amen. And not who is going to bless us. Nicht der uns segnen wird. La Bible nous dit qu'on doit. Let me read it, please. Pardon. Ephésiens. Are we there, please? Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a bénis et pas qui va nous bénir. C'est déjà passé. C'est pas dans le futur. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. With all. Mit allen. Not some. Ich bin einig. But part of it is your healing. All. Ein Teil davon ist deine Heilung. Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions. Pas quelques-unes, mais toutes sortes. Donc, dans ces bénédictions, il y a la prospérité, il y a ta santé, il y a tout dedans. Praise the Lord. Yeah. Remember to say thank you to Christ Jesus always. Erinnere dich daran, dich immer Christus Jesus zu bedanken. Donc on doit se rappeler à toujours remercier l'Éternel, à toujours remercier Jésus Christ. Amen. Amen. Again, today is our Thanksgiving Day, a reminder of saying thank you to Christ Jesus always. Heute ist ein Danksagungstag, eine Erinnerung daran, uns immer wieder bei Christus Jesus zu bedanken. Aujourd'hui, c'est notre jour d'action de grâce et c'est aussi seulement un rappel pour remercier l'Éternel pour nous montrer notre gratitude. Yes. Amen. It's not saying thank you are going to do it. Thank you. It is a finished work. Ich danke, du wirst es tun und danke, dass du es schon getan hast. C'est un fertiges Werk. Amen. On remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait et pas pour ce qu'il va faire parce qu'il a déjà tout accompli. Learn it. Lerne das. Apprends-le. It is a command from the Lord. C'est un befehl des Herrn. C'est un commandement de l'Éternel. Are you getting notre Seigneur. This? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Before now we are earthly family. Vorher waren wir irdische Familie. Avant ça, on était une famille terrestre. Amen. Today we are heavenly family. Heute sind wir himmlische Familie. Aujourd'hui on est une famille divine, céleste. Ephesians 2 again, please. Ephésiens 2. Amen. If we read here from let's read and see where we can stop. Okay, actually it's from 1 to the end. Amen. De 1 à la fin. And you had. And you had he quickened, who were dead in trespasses and sins. It's talking about our past. Es geht unsere Vergangenheit. Ici, il parle de notre passé. We are in time past. You walk according to the course of this world. Mm. You see there. According to the prince of the power of the air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. You see something there. Mm. Praise the Lord. Alleluia. We were once like them. Wir waren früher so wie sie. Une fois on était comme eux. We thank the Lord, we are saved. Wir danken Herrn, dass wir errettet sind. Amen. Nous remercions notre Seigneur parce qu'on est sauvés. In verse 3, it said, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. You see there? The flesh and of the mind. Flesh. Amen. And we are by nature the children of wrath. Amen. Even as others. We were once like them. You were einst wie sie. Nous étions comme les autres. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But God who is rich. Verse 4. In mercy, for his great love, wherewith he loved us. Verse 5. Even when we are dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Praise the Lord. Amen. Verse 6. And has raised us up together. Amen. Praise the Lord. Amen. Past tense. You know past tense. Amen. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Il nous a ressuscités. Donc, cette résurrection est dans le passé. Donc, c'est déjà accompli. Tout ça est déjà accompli. We are heavenly citizens. Nous sommes des citoyens célestes. Don't forget your home. N'oublie pas ton adresse. Remind pas ta maison. Yourself of where you are from all the time. Rappelle-toi toujours de ton origine. It will help you to be there. Ça va t'aider à demeurer dans l'éternel, dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Then in verse 10. Verset 10. He said, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Amen. Then 11. Verset 11. Remember that you've been in the past. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Remember the past. Erinnert euch an die Vergangenheit. Rappelez-vous de votre passé. Amen. Amen. That you've been in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Praise the Lord. Hallelujah. Our circumcision is no longer by hand, but by the Holy Ghost. Amen. And in our heart. Sondern durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Quand on est circoncis, c'est plus à travers la main de l'homme, mais plutôt par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Remember the old and the new circumcision. Erinnert euch an die alte und neue Beschneidung. Rappelez-vous de l'ancienne et de la nouvelle circoncision. Amen. Amen. In verse 12, verset 12. At that time, you were without Christ, being alien from the commonwealth of Israel, a stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off, praise the Lord. I love this phrase. Amen. Amen. I'm made nigh by the blood of Christ. Amen. The Christ blood. Durch das Blut von Christus. Is the wonderful blood that made us to be qualified. Amen. Amen. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui nous rapproche de l'Éternel. Amen. Amen. He said in verse 14, for He is our peace. He is our peace. Christ is our peace. Christ is our peace. There's no peace Jésus-Christ est notre paix. Il n'existe aucune paix sans Jésus-Christ. Amen. Amen. He is our peace. He is our peacemaker. Er ist unser Frieden. Er ist unser Friede. Amen. Il est notre paix et il est le prince de la paix. He said, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Are you getting something here? He now made you to be one with Him. You and Christ, you are now one and not two. Eins gemacht mit Christus. Du und Christus seid jetzt eins, nicht mehr zwei. On est maintenant un avec Christ. Il nous a unis avec lui. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Alleluia. Amen. If you can remember this, you will not even be afraid of anything. Wenn du dich daran erinnern kannst, wirst du dich vor nichts fürchten. Verse 15. Verset 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make in himself of twine one new man, so making peace. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Yeah. Everything in Him. The commandment, amen. It's no longer the old law, but the new law. It's nicht mehr das alte Gebot, aber das neue Gebot. Il s'agit plus ici de l'ancien commandement, mais du nouveau commandement. You can see that it is peace between God and man. Es ist Frieden yes, zwischen Gott und Mensch. Can we help you to get it? Et si ça va nous aider à comprendre qu'il s'agit de la paix entre l'homme et Dieu et pas la paix entre les hommes. Amen. Look at verse 16. Verset 16. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Praise the Lord. Alleluia. And came and preached peace to you which were far off, and to them that were nigh. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. They were close, but they were not there. Are you getting it? And you were far off, but they were close, but they were not there. Sie waren nah, aber noch nicht da. Und du warst weit weg und du bist jetzt Teil davon. Amen. Eux, ils étaient prêts, mais ils n'étaient pas vraiment arrivés, ils n'étaient pas encore là. Mais nous, on était loin, mais maintenant, on est là. Then he said in verse 18, please. Verset 18. 18. For through him we both have access by one spirit unto the Father. Through Christ. Durch Christus. Are you getting something here? À travers la we paix both Jésus Christ. Have access by one spirit, the Holy Ghost, unto the Father. You get it? Then verse 19. Verset 19. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Are you getting something here? Here he's not talking about members. He's talking about citizens. Sondern Bürger. Ici, on voit qu'on est des citoyens et pas seulement des membres. Amen. You know, churches today is full of members. In Gemeinde immer nur Mitglieder. It's like a club. Wie ein Verein. Dans les églises aujourd'hui, il y a que des membres. C'est comme des clubs, c'est comme des équipes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And at verse 20. Verse and 20. Are built upon the foundation of the apostle and prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto and holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an inhabitation of God through the Spirit. Ah, you can see that it's all about Him. Is it Jesus Christ? De Jésus Christ. Amen. We were once members in different churches. Wir waren früher Mitglieder von verschiedenen Gemeinden. Il fut un temps où on était tous des membres d'églises différentes. Amen. But now a citizen of heaven. Mais maintenant on est des citoyens du royaume des cieux. Then and now they are not the same. Damals et jetzt they are not the same. Amen. On ne peut pas comparer quand on était des membres des différentes églises et aujourd'hui quand on entend aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Earthly family and heavenly family are not the same. Eine irdische Familie und eine himmlische Familie sind nicht gleich. On peut pas comparer une famille céleste à une famille terrestre. Amen. One is of the flesh, the other is of the spirit. Eins ist vom Fleisch, eins ist vom Geist. L'une vient de l'esprit et l'autre vient de la chair. Amen. In John 6:63, it said the flesh profited nothing. But it's the spirit that giveth life. Das Fleisch nützt nicht, aber es ist der Geist, der Leben gibt. Dans Jean, il est écrit que la chair nous-mêmes nous apporte rien. C'est l'esprit qui nous donne la vie. He said the flesh is hell and it will take you to hell. Das Fleisch ist die Hölle und es wird dich die Hölle führen. La chair est l'enfer. Et la chair va t'emmener en enfer. But the spirit. The spirit is you are already in heaven. Aber der Geist versichert dir, dass du schon im Himmel bist. Mais l'esprit t'assure que tu es déjà au royaume des cieux. Praise the Lord. Our thanksgiving is a reminder of who we are. Unsere Danksagung ist eine Erinnerung daran, wer wir sind. Donc l'action de grâce est aussi un rappel à nos origines, à notre identité. Amen. Our thanksgiving is a reminder of our identity. Unsere Danksagung ist eine Erinnerung an unsere Identität. Amen. Damit rappelle notre identité. Faith John said, as he is, so are we right now. In 1. Johannes sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Dans 1 Jean, il est écrit que comme lui il est, nous sommes aujourd'hui. Two cannot walk together except they are one. Zwei können nicht zusammengehen, es sei denn, sie sind eins. Deux peuvent pas marcher ensemble à part s'ils sont un. Amen. Our Thanksgiving Day is a reminder of our royal priesthood. Unser Danksagungstag ist eine Erinnerung an unsere königliches Priesteramt. Donc notre action de grâce est un rappel à notre königliches Priesteramt. Amen. Königliches Priesteramt. Notre First Peter. 1 Peter 2. 1 Pierre 2. 1 Petrus 2. From 9 bis 12. Amen. Praise de 9 à 12. 1 Pierre 2, de 9 à 12. It says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. A peculiar people. That's who you are. Doesn't he? Amen. Amen. That you show forth the praises of him who has called you out of the darkness. Out of darkness into his marvelous light. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 9. Verset 9. Amen. A royal priesthood. Peculiar people. Ein heiliges Volk, ein besonderes Volk. Mm. Vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Mm-hmm. Even the old, you know, Joseph believed he was special. It's and not forgiveness. Haben die Leute geglaubt, dass sie besonders sind? Josef hat geglaubt, dass er besonders ist. Même dans l'ancienne alliance, les gens ont cru qu'ils étaient des personnes élues, comme Joseph, par exemple, il a cru qu'il était exceptionnel. They believed that they were different. Sie haben geglaubt, dass sie anders sind. Ils ont cru qu'ils étaient différents. Amen. Amen. They know the way, you know, witches are pursuing people. They know that they cannot pursue them. Because they know that they are different. Dinge hinter den anderen Menschen her sind, wissen sie, dass sie nicht ihnen hinterher sein können oder sie nicht bedrohen können, weil sie anders sind. Donc il y avait certaines menaces qui ils ont pas du tout affecté parce qu'ils savaient qu'ils étaient différents, qu'ils ont un autre père et une autre identité. Are you getting it? You know, in natural world, you know, there are some things they will say, okay, the black people can have it, but the white people cannot have it. There are some sicknesses and diseases. You know, they say it's African. But here we are talking about heaven. Und in der Welt gibt es ja diese Prinzipien schon, wenn es manchmal. We should know that of heaven. Und weiß geht, dass keine Ahnung, Dunkelhäutige nicht so schnell Sonnenbrand bekommen wie Hellhäutige. Diese Prinzipien kennt man, aber wir sollten viel lieber die Prinzipien vom Königreich kennen, dass das, was uns, was diesen Leuten dieser Welt passiert, uns nicht passieren kann, weil wir zum Himmel gehören. Même dans ce monde, il y a certaines maladies qui vont plutôt atteindre un noir et pas le blanc ou pas une personne blanche ou l'inverse. Mais on doit savoir que nous, ce système n'est plus valable pour nous. On a le système du royaume des cieux. Donc on doit savoir que nous sommes des personnes élues, des personnes différentes, que tout ce qui peut atteindre ce monde ne va jamais nous atteindre parce qu'on n'a pas la même origine. Anything of you, they are of Christ. Amen. Amen. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui te concerne, vient du Christ. If even you are in the hospital, the doctor taking care of you is Christ. Amen. Christ is the one that can touch that your body. Der Arzt, der dich behandelt, ist Christus. Nur Christus ist befugt, deinen Körper zu berühren. Amen. Un enfant de Dieu, par exemple, si toi, par exemple, tu es à l'hôpital, le médecin qui va s'occuper de toi, qui va te traiter aussi, Jésus-Christ lui-même, parce que aucune personne, à part Jésus-Christ, a la permission de toucher le corps de Jésus-Christ. You know, the doctor might be seeing themselves, but you see Christ. Der Arzt sieht sich selbst, aber du siehst Christus dahinter. Possible que le médecin se voit, va se voir lui-même, mais nous, on a toujours voir le Christ. If Satan can go through serpent to speak to Eve, Christ can go through doctor to be there for his children. Weil wenn der Satan durch eine Schlange gehen konnte, um Eva zu betrügen, kann der Herr auch durch einen Arzt gehen, um dich zu behandeln. Si le diable était capable à parler à Eve à travers le serpent, notre Père, l'Éternel, est capable à te traiter à travers un médecin. Stop saying what the world is seeing. What they are seeing. They see doctor, you see Christ. Amen. On doit arrêter de voir ce que le monde voit. Le monde voit peut-être un médecin, mais nous on voit le Christ. Are you getting it, please? Amen. Yes. Praise the Lord. Alléluia. It makes you different. Das macht dich anders. Ça va te différencier d'autres personnes. And that is what the Holy Ghost wants to see. Und das ist, was der Heilige Geist sehen möchte. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut voir. He wants to see you see Christ. That is how he can even walk. Er möchte, dass du Christus siehst. Und so kann er überhaupt funktionieren, arbeiten. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut voir. Il veut voir que toi, tu es concentré sur Jésus-Christ. Toi, tu vois Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il est aussi capable à agir à travers toi. In your school, your professor is Christ. You see Christ. Auch in der Uni ist dein Professor, dein Lehrer Christus. Your teacher is the Holy Spirit. Dein Lehrer ist der Heilige Geist. Quand tu es à l'université ou à l'école, par exemple, ton professeur est Jésus-Christ lui-même. You are not Saint-Esprit. You are not listening to my but to the Holy Ghost. Du hörst nicht Menschen zu, sondern dem Heiligen Geist. Parce que nous, on n'entend pas l'homme, mais on entend le Saint-Esprit. It is not the professor that you are hearing his voice. You are hearing the voice of the Holy Spirit. That is how your understanding can be opened. Das Professor, sondern du hörst die Stimme. The heavenly understanding. Gerade durch diesen Menschen. So kann ein himmlisches Verstehen auch wirken. Et nous, on n'entend pas la voix de ce monde, on n'entend pas la voix du professeur, par exemple, mais on entend la voix du Saint-Esprit. Et c'est seulement comme ça qu'on est capable aussi à ouvrir notre compréhension divine, céleste. Amen. Amen. The whole world, they are seeing them as professors, but you are not seeing them that way. You are seeing the Holy Ghost teaching you. Amen. But Truma. Sieht sie als Professorin, aber du siehst Christus den Heiligen Geist dadurch sprechen. Le monde a peut-être voir l'homme parler, le professeur parler, mais nous on voit le Saint-Esprit nous enseigner. What is it? Even your chef. Selbst dein Chef? Même vos supérieurs au travail. Amen. Satan can even want to use them. You cast him out. Satan kann sie sogar nutzen. You speak and say, Satan, I cast you out of this woman. Treibst den Satan aus dieser Person aus, aus dieser Frau, aus diesem Mann. Même vos chefs au travail. Peut-être le diable veut essayer utiliser ces personnes pour vous attaquer, mais nous, on doit chasser ces esprits du corps de ces personnes. I say that, and you now see the Holy Spirit that is the one speaking in them and through them to you. Siehst du den Heiligen Geist, der in diesen Personen spricht und durch diese Personen spricht? Afin qu'on puisse voir le Saint-Esprit parler à travers ces personnes. Verset 10. Verset 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadet wart, jetzt aber begnadet seid. Amen. Which in time past we are not a people, but are now. Are you getting it? It was also in Ephesians, we read it, amen. But now, are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Praise the Lord. Hallelujah. We live under the mercy of the Lord. Wir leben unter der Gnade des Herrn. On vit sous la grâce du Seigneur. Always remember that you are different. Erinnere dich immer wieder daran, dass du anders bist. On doit toujours se rappeler qu'on n'est pas comme les autres. You are not natural, but supernatural. Du bist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Nous ne sommes pas des créatures naturelles, mais supernaturelles. You are special. Du bist besonders. Nous sommes spéciales. Because you are of heaven. Weil du vom Himmel bist. Parce que tu viens du ciel. Be heavenly conscious. Sei himmlisch gesinnt. Donc on doit être conscient de ce fait. Heavenly families are royal family. Eine himmlische Familie ist eine königliche Familie. Une famille céleste est une famille royale. Amen. Amen. And that's why you know king give birth to kings. King of kings. Könige gebären Könige. Der König der Könige. That's what Jesus is called. C'est la raison pour laquelle les rois donnent la vie au roi. C'est pour ça notre Seigneur est appelé aussi le roi des rois. We should never forget that. Und das ist einer seiner Namen, König der Könige, und das sollten wir niemals vergessen. On doit jamais l'oublier. Amen. Amen. We should never forget that we are heavenly citizens. Let him be rooted in you. But once you walk out anywhere you go, know that it's heaven that just arrived. Amen. Wenn du läufst, erinnere dich schon, dass es der Himmel ist, der gerade angekommen ist. On doit être conscient, on doit jamais oublier que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Donc on doit aussi marcher avec cette attitude. Donc quand on entre dans une pièce, on doit être conscient que le royaume des cieux est entré dans cette pièce. Stop looking at yourself. Hör auf dich selbst schauen. Arrête de regarder sur ta chair, sur ton sein. Stop looking at your size. Hör auf deine Größe zu schauen. Arrête de regarder ta taille. See who you are in Christ. Schau auf das, was du in Christus bist. Wer du in Christus bist. Regarde, concentre-toi plutôt sur ton identité en Jésus-Christ. It is not my capacity, but Christ's capacity. Es ist nicht die menschliche Fähigkeit, sondern es ist Gottes Fähigkeit. Parce qu'il ne s'agit pas de la capacité de l'homme, mais plutôt de celle de l'Éternel. You know, we always miss God in big time. We miss God a lot. Because we always see him giving us what we can do. Actually, what he gives you to do is what you cannot do without him. Mm-hmm. Oft verstehen wir Gott nicht, weil wir denken, dass er uns nur die Sachen gibt, die wir schaffen können, die wir packen können. Aber eigentlich gibt er uns die Sachen, die nur durch uns hindurch packen kann. Souvent, on rate l'Éternel ou on n'entend pas l'Éternel parce que on pense qu'il va seulement nous donner des choses qu'on peut résoudre, qu'on peut faire nous-mêmes. Mais au contraire, l'Éternel va seulement nous donner des choses que lui est capable à faire à travers nous. He never gives you what you can do without him. Er gibt dir niemals irgendwas, was du ohne ihn tun kannst. Il va jamais te donner quelque chose que tu peux faire sans lui. The marriage, if you want to arrange your marriage, this is going to be the marriage that without him will not function. Wenn er dir eine Ehe gibt, ist eine Ehe, die du ohne ihn nicht haben kannst. Si, par exemple, il te donne une femme ou un mari, si vous vous mariez, ce sera un mariage qui ne pourra jamais tenir sans sa présence. Your marriage will not be based on, we don't need him. It must be him alone. Die Ehe wird nicht darauf basieren, dass wir brauchen den Herrn gar nicht, um klar zu kommen, sondern wir verstehen uns und schaffen das auch so ganz gut. Parce que ce mariage doit être basé seulement sur lui, parce que ce ne sera pas un mariage qui sera possible sans sa présence. What he have for you? What he wants you to do? It's not what the natural man can do. With your own capacity, you cannot do. You need him to do it. Until that very thing is bigger than your natural mind, your natural self, it is not coming from him. That's how you know that this is coming from him. It must be bigger than you. Everybody will call you fool, but he will say bravo. Und so weißt du auch, dass diese Sache von ihm ist, dass weil jeder dich Dummkopf oder verrückt nennen wird, weil es einfach in deiner eigenen Fähigkeit einfach zu groß ist für dich, steht über dir, du kannst nichts machen. Aber der Herr lobt dich dafür, dass du ihm so sehr vertraust. Et c'est comme ça aussi que tu vas voir que les choses viennent du Christ, parce que toi-même ou même les gens autour de toi vont se dire que c'est impossible pour lui, il n'est pas capable de le faire. Et quand le monde va se moquer de toi, c'est là que l'Éternel va t'élever et même te féliciter parce que tu t'as permis qu'il puisse le faire à travers toi et avec toi. Who have an example for us? Moses. Wer ein Beispiel für uns? Pharaoh. Moses. Who is Moses to face Pharaoh? Wer ist denn Moses, dass er sich überhaupt vor dem Pharao treten darf. Un exemple pour nous, par exemple, et Moïse, par exemple. Moïse était normalement pouvait pas se pouvait pas défier un roi comme le pharaon était. Praise the Lord. Alléluia. Who is Moses to face Pharaoh? Moses is nothing. Dass er sich vor den Pharao stellen kann. Moses eigentlich falsch gesehen nichts, ein niemand qui vor dem Pharao. Charnellement, Moïse ne pouvait jamais se comparer ou s'opposer au pharaon. He gave Moses the job that Moses cannot do without him. Er gab Mose eine Aufgabe, die Mose ohne Gott nicht tun kann. Mais Moïse a reçu une mission qu'il ne pouvait pas faire sans l'Éternel lui-même. Who am I to be here without him? Wer bin ich, um hier zu stehen ohne ihn? I'm nothing. Qui suis-je pour vous prêcher aujourd'hui ici sans lui? Personne. Praise the Lord. I know where I'm coming from. Ich weiß, wo ich komme. Je sais d'où je viens. I know who I was before. Ich weiß, wer ich vorher war. Je sais qui j'étais avant. Then and now, they are like day and night. Dann und jetzt. I can never meet. Es ist wie Tag und Nacht. Sie können sich niemals treffen. Et tu peux pas comparer ces deux personnes. Are you getting it, please? Praise the Lord. Alléluia. He will give you. Whatever he has for you is something bigger than you. He's not going to give you a man that you are going to love in the flesh. Ist größer als or a woman that you are going to love in the flesh. It's not about the outside. Du selbst. It's about the spirit. Wird dir keine Frau geben, die du im Fleisch liebst, oder keinen Mann geben, den du im Fleisch liebst. Sonst wird um ihn gehen. Il va toujours s'agir de l'Éternel. Il va jamais te donner une femme ou un homme que tu aimes seulement charnellement. He wants us to know. He wants everything to work out. And he wants it. He wants it now. Never forget you are royal. Er möchte, dass halt alles nach seinem Willen funktioniert. Und er möchte, dass, jetzt, dass du jetzt weißt, wer du bist, dass du königlich bist. Notre Seigneur veut qu'on connaisse nos origines, qu'on connaisse notre identité, que nous sommes des personnes qui appartiennent à la famille royale. Et tout ce qu'il a pour nous veut qu'on puisse l'obtenir maintenant. Remind yourself that you are royal. Erinnere dich daran, dass du königlich bist. On a toujours dit rappeler qu'on fait partie d'une famille royale. Praise the Lord. Alléluia. Know that you are royal. Wisse, dass du königlich bist. On a vraiment le savoir, on a être conscient de ce fait. Praise the Lord. Alléluia. And you know, that's how everything flows. Und so fließt auch alles. Et c'est comme ça que tout va marcher pour toi. He really wants you to be there. Er möchte wirklich, dass du da bist. Il veut vraiment qu'on soit déjà dans cette position là. Everything comes from there to here for us. Alles kommt von dort. We don't have anything here. They are coming from here. Wir haben nichts von hier. Es kommt alles von dort. Parce que tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a, vient du royaume des cieux. And that's why if anything stop here, they never stop for us. Si wenn hier was aufhört. Im Himmel hört es Et c'est la raison pour laquelle si quelque chose s'arrête ici, peut-être, cette chose ne va jamais s'arrêter pour nous dans le royaume des cieux. God's children, you know, we have to know this. It's very important. Les Kinder, Gott, müssen das wissen. Et nous, les enfants de Dieu, on a vraiment le savoir. If you look at the other side, satanic world, they understand. They know this so much. They know that their wealth is not coming from that job. From the tomato or the banana that they are selling, it's coming from the spiritual world. Well, everything of us, they come from this heavenly world. Und ich habe es schon oft wiederholt und gesagt, dass selbst in der satanischen Welt diese Leute, sie wissen, dass ihr Erfolg nicht durch die Musik kommt, die sie machen, oder durch die Haare, die sie machen, kommt, sondern es ist einfach nur wie eine Geldwäsche. Denn das ihr wahrhaftiger Sieg, ihr wahrhaftiger Erfolg kommt aus der teuflischen Welt. Vom Satan ist das gesponsert. Und diese ganzen Businesses, die du siehst, das sind einfach nur Masken, die das Eigentliche, was dahinter steckt, verstecken. Les enfants, enfin ceux qui suivent le diable, ceux qui ont accès au monde spirituel du diable, ils sont conscients que leur richesse ne vient pas de ce monde, mais plutôt de leur monde spirituel. Ils savent que la musique n'est pas ce qui leur ramène l'argent, mais plutôt leur monde spirituel qui est mauvais. Et nous, mais c'est la même chose, sauf qu'on a une différente source, mais on doit être conscient de ce fait. Never forget you are royal. Vergiss niemals, dass du königlich bist. N'oublie jamais que tu es une personne qui appartient à la famille royale. It will help your focus to be of heaven. Es wird dir helfen, deinen Fokus auf den Himmel zu setzen. Ça va t'aider à garder ta concentration sur le royaume. Are you getting it? It will help you to remember to remember that you belong to Christ. Es wird dir helfen, dich daran zu erinnern, dass du zu Christus gehörst. Ça va t'aider à te rappeler que tu appartiens à Jésus-Christ. It is like when you are wearing a white garment. You know, you will not go anywhere, sit down the potopoto or wherever. You know, your white garment, you are wearing it. It helps you to be aware that you should stay clean. Wenn du ein weißes Kleid oder einen weißen Anzug trägst, dann wirst du immer aufpassen, auf welche Parkbank du dich setzt. Du wirst dich nicht einfach irgendwo hinsetzen, du musst immer gucken. Und so sollen wir halt auch darauf bedacht sein, wer wir sind in Christus und deswegen auch nicht überall sitzen. Parce que si tu es toujours capable à te rappeler de ton identité, ça va t'aider à vivre dans le royaume des cieux. C'est comme si tu t'habilles complètement en blanc, que tu as des habits blancs, nouveaux, bien propres. Tu ne vas pas t'asseoir n'importe où, tu ne vas pas partir dans la forêt pour faire un jogging ou quoi que ce soit. Parce que tu sais que tes habits ne sont pas faits pour ce que tu as prévu. Et c'est la même chose aussi avec notre conscience, de notre identité, de notre famille royale. Praise the Lord. Hallelujah. Again, never forget you are royal. It will help you. Somebody getting it. Vergiss niemals, dass du König bist. It will help you. Es wird dir helfen. Faut mir jamais oublier que tu es quelqu'un, tu viens d'une famille royale, ça va t'aider. It will help you to see Christ. Es wird dir helfen, Christus zu sehen. Ça va t'aider à voir Jésus-Christ. Amen. It will help you never to run after things. Es wird dir helfen, niemals hinter Dingen her zu sein. Ça va t'aider de ne pas toujours poursuivre les choses de ce monde. Amen. You never run after things because you are royal. Du wirst niemals hinter Dingen her sein, weil du königlich bist. Mm-hmm. Genauso wie königliche Leute, sie greifen nach nichts. Ihnen wird immer alles gegeben. Praise the Lord. Toi, tu vas jamais poursuivre les choses de ce monde parce que toi, tu viens d'une famille royale. Parce que si tu es un prince, tu viens de la famille royale. C'est son, on va te le donner. C'est pas toi à chercher ces histoires. Amen. Things are always there to serve you. Dinge sind immer da, um dir zu dienen. Toutes les choses qui sont là, sont là pour te servir. You have angels that serve you. Tu as Engel, die dir dienen. Tu as des anges qui te servent. Heavenly beings, they serve you. They are there to work for you. On your behalf. Donc, il y a des gens célestes qui sont là seulement, toujours seulement là pour être à tes commandes, pour te servir. Evil things never pursue you, they are afraid of you. Und auch das Böse ist nicht hinter dir her, weil es fürchtet dich. Les choses mauvaises ne peuvent même pas te suivre parce qu'ils ont peur de toi, parce que toi, tu es quelqu'un, tu viens de la famille royale. Evil hates you. Das Böse hasst dich. Le mal te déteste. Praise the Lord. Alleluia. If you can remember that you are royal, evil will hate you. Wenn du dich daran erinnern kannst, dass du königlich bist, dann wird das Böse dich hassen. Of Christ, of heaven. Je te rappelle que tu viens du royaume des cieux, que tu es un fils du roi. Le mal aura peur de toi. Praise the Lord. Mm-hmm. Everything of us are Christ. Alles von uns ist Christus. Tout ce qui nous concerne, c'est Christ. Our thanksgiving is Christ every day. Unsere Danksagung ist Christus jeden Tag. Quand on rend grâce à l'Éternel ou bien notre action de grâce est toujours Jésus-Christ. Every day is Christ. It's Christ day for us. Jeden Tag ist der Tag von Christus für uns. Pour nous, chaque jour, c'est une journée en Christ pour nous. We never have bad day or good day. Wir haben nie einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Wir haben einfach nur einen Christustag. On n'a jamais une bonne journée ou bien une mauvaise journée. On a toujours seulement une journée et ça, c'est la journée du Christ. Et ça, c'est chaque jour. You know, the world, they have the days that are good. Die Welt, die haben gute und schlechte Tage. Today is good day, tomorrow, I don't even know. Heute ist ein guter Tag, morgen weiß ich nicht, was sein wird. Ce monde a toujours une bonne journée ou bien une mauvaise journée, donc ils te disent aussi toujours souvent, bon aujourd'hui c'est une bonne journée ou bien c'est une mauvaise journée et demain je ne sais pas quelle journée ça sera. We never have bad or good day, but Christ day. Wir haben nie einen schlechten Tag, oder einen guten Tag. Unser Tag ist immer Christus. On n'a jamais une bonne ou bien une mauvaise journée. Notre jour, c'est toujours Jésus-Christ lui-même. Amen. So just as also, we never think positive or negative, but Christ. Deswegen denken wir auch nicht positiv oder negativ, wir denken einfach Christus. Tout comme on ne pense jamais positif ou négatif, mais on pense que le Christ. All our days are Christ. Alle unsere Tage sind Christus. Tous nos journées, tous nos jours sont Jésus-Christ. And that's why our days never change. Deswegen ändern sich unsere Amen. Tage nicht. Et c'est pour cela nos journées aussi ne changent jamais. Amen. It never change. Es verändert sich niemals. Nos journées ne changent jamais. Because Christ never changes. Denn Christus ändert sich nicht. Parce que Jésus-Christ ne change jamais. He is the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. We never change like the world. Wir ändern uns nicht so wie die Welt. Nous on change pas comme ce monde. They change like their weather. Sie ändern sich wie ihr Wetter. Eux ils changent tout comme leur temps. They are chameleon, you know they change. Before you know it is another color. Sie sind wie ein Chamäleon, sie können sich anpassen, bevor man es weiß, sind sie gelb oder rot oder grün gestreift. Ils sont comme des caméléons et si tu dès que tu regardes aujourd'hui sont ils ont changé des couleurs, ils sont jaunes, verts et rouges, je sais pas. Everything affects them. Alles beeinflusst sie. Tout ce qui est dans ce monde est en train de les aider. Even the weather affects them. Selbst das Wetter kann sie beeinflussen, wie sie drauf sind. Même le temps, la température, le temps, ou bien s'il pleut ou bien il y a du soleil, même si tout ce petit fait là, ça les influence. Comment weather affects them? How much more if they are sick? Mm. If we are sick, we are still the same. Amen. Selbst das Wetter. Ne, beeinflusst sie, geschweige denn ihre eigene Gesundheit oder andere Dinge, die ihnen viel näher stehen. Même le temps leur affecte et combien de plus même leur santé les affecte. Donc dès qu'ils sont ils sont malades ou bien ils ont une grippe, ils sont vraiment affectés, très tristes. Comment weather affect how much more the doctor's report or their school report result? Das Wetter verändert sie schon oder greift sie an oder beeinflusst sie, geschweige denn ihre Noten oder das, was der Arzt über sie sagt. Même, donc on doit comprendre que si même le temps les est en train de les affecter comme ça, à plus forte raison, même le résultat du docteur ou bien le résultat de l'école va les affecter. What people are saying about them. Ou das, was Menschen über sie sagen. Même c'est que quelqu'un autre personne pense d'eux, ça les affecte, donc oui. Jesus never allowed anything to affect him. Jesus hat nicht zugelassen, dass irgendetwas ihn beeinflusst. Jésus-Christ n'a jamais permis que quelque chose puisse les affecter. Because his focus was so much of his father. Weil sein Fokus so sehr auf seinem Vater lag. Rien n'a affecté Jésus-Christ parce que sa concentration c'était vraiment son père. We should learn from him. Wir sollten von ihm lernen. On doit apprendre de notre père, de Jésus-Christ. Our focus should be him alone. Unser Fokus sollte er allein sein. Notre concentration doit toujours être Jésus-Christ lui-même. Amen. The old things given and the new are not the same. Das alte, die alte Dank sagen die neue Dank sagen sie nicht gleich. Notre ancienne action de grâce ou bien la nouvelle action de grâce c'est pas la même chose. I will get you something here. The old times given and the new, they are not the same. Die alte und die neue Dank sagen sie nicht gleich. Donc c'est pas la même chose. Amen. We don't do anything without Christ Jesus. Wir tun nichts ohne Christus Jesus. Nous on fait rien sans Jésus Christ. Praise on the va Lord. Lire à Colossiens 1. Amen. Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 17. Colossiens 1, 17. He said, and he is before all things, and by him all things consist. Verset 16. For by him we are all things created. Are you getting it? He is the creator. Er ist der Schöpfer. Donc lui, il est le créateur de tout. Toute chose a été créée par lui. Amen. Their father is not the creator, but our father. Aber ihr Vater ist nicht der Schöpfer, aber unser Vater ist der Schöpfer. Leur père n'a jamais rien créé, c'est seulement notre père qui est le créateur. Is somebody getting something? For by him we are all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, All things we are created by him and for him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everything should be of him and for him. Von ihm sein und für ihn sein. Donc chaque chose doit être en lui et pour lui. Are you getting it? Our thanks, our thank you is different from the word thank you. Unser Dank ist anders als das Danke der Welt. Notre gratitude envers lui, notre gratitude c'est différent que celui de ce monde. Or religious thank you. Ben religieuses Dank. Ou bien la gratitude des religieux. Amen. Amen. Whatever they do is evil. Was immer sie tun, ist no matter how good they are. Egal wie gut es ist. Before Christ. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais, c'est toujours mal. N'importe comment ça semble être bon. Devant Dieu, c'est toujours mauvais. He says, you even give your body to be burned because of people. It's evil before him. 1 Corinthians 13. Er sagt sogar in 1. Korinther 13, dass er Profit du deinen Körper hergibst für Menschen, nützt es dir nichts. Es ist bösartig. Dans 1 Corinthians 13, il dit que même si tu donnes ton corps pour être brûlé pour ce monde ici, donc tu le donnes comme offrande pour ce monde, ça ne te sert à rien. You know, religion and the world will clap for you. Religion und die Welt your body to be born. Wird dich feiern, wird Bücher über dich schreiben, weil du dein Leben gelassen hast für Menschen. La religion, par exemple, si tu fais quelque chose comme ça, que tu sacrifices même ton corps, ils vont dire que oh, c'est une bonne chose, ils vont même écrire sur toi, tu seras une vedette. Amen. Amen. Any sacrifice you sacrifice, you know. It's evil before him. Jede Opfergabe ist aber bösartig ohne Christus Jesus. Sprüche. Que tu fais sans Jésus Christ, c'est vanité, ça sert à rien. Proverbe 21. Sprüche 21. On va lire Proverbe 21. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 27. Proverbe 21, 27. The sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? Is somebody getting here? The sacrifice das Opfer of the wicked, no matter the sacrifice, no matter how good it is an abomination, it is evil before Christ. How much more if it is evil done with your evil heart? Das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn. Ne? Und ob es aus einem guten oder schlechten Motiv ist, ist für ihn ein Gräuel. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien de plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Are you getting it? You know, there is war in Ukraine and people going there to fight. The sacrifice of the wicked. Es gibt Krieg in der Ukraine und Leute gehen dort hin, um zu kämpfen. Amen. Aber es ist ein Opfer der Bösartigen. Par exemple, les gens qui vont en Ukraine pour combattre là-bas, c'est un sacrifice qui a un mauvais motif. Is somebody getting it? Daddy. Praise the Lord. Alleluia. Whatever they do, was immer sie tun, no matter how good they are, egal wie gut they are was, evil before Christ. I'm not saying before man. Before man, they clap. People clap for them. Religion can clap for them. But Christ Jesus, it is only through him that something is good. Amen. Und egal wie gut es ist, auch wenn Menschen es feiern, aber vor Christus ist es bösartig, weil es nicht Christus selbst ist. Peu importe ce qu'ils font, même s'ils ont des, même si pour le monde c'est quelque chose de bien, le monde va applaudir, mais c'est mauvais devant le Christ, parce que seul le Christ est bon. Et si tu le fais pas avec le Christ ou guidé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de mauvais devant le Christ. Remember Cain and Abel. Erinnere Cain und Abel. Let's go to Genesis 4, please. De Cain et Abel. Amen. 1 Mose 4. Genèse 4. Genesis 4. Two brothers. Zwei Brüder. Parlez des deux frères. Von Vers 1 bis 16. Verset 1 à 16. Are we there, please? 1 to 16. Amen. 1 to 16. And Adam knew Eve, his wife, to know. Amen. That's how Christ wants us to know him. Wir sollen Christus erkennen. On doit connaître le Christ comme Adam connaissait sa femme, comme Adam connaissait Ève. Amen. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have begotten a man from the Lord. Verse 2. And she again bare his brother Abel. Amen. Amen. And Abel was a keeper of sheep. But Cain was a tiller of the ground. One was a hunter, the other one a farmer. Amen. Einer war ein Bauer und der andere war ein Jäger. Mm. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. And verse 3. Verset 3. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. But make sacrifice unto the Lord. The Lord accepted one and rejected the other. Beide haben ein Opfer gegeben an den Herrn, und der Herr hat ein Opfer akzeptiert und das andere hat er verweigert. Les deux ont sacrifié quelque chose pour l'Éternel, et un sacrifice était agréable à l'Éternel et l'autre n'a pas été accepté par l'Éternel. If the Lord is not accepting your sacrifice, why don't you ask him, Lord, what can I do? What am I to do? Akzeptiert. Wieso bittest du ihn nicht darum? Was du halt tun kannst, damit ich dir gefalle. Si l'Éternel ne plaît pas ton sacrifice, au lieu d'être triste, faut plutôt demander à l'Éternel pourquoi, ou alors qu'est-ce que je peux faire. You know, in John 6, they asked Jesus, what are they to do? Johannes 6, remember, haben sie Jesus gefragt, was sollen wir tun? Welches Werk sollen wir vollbringen? Dans Jean 6, par exemple, ils ont demandé à Jésus-Christ qu'est-ce qu'ils doivent faire. On va partir vite fait à Jean 6, mais on va retourner à Genèse 4. Johannes 6. Jean 6. Verse 28. 28. 28. 29, please. 29. 28 et 29. They said they unto him, what shall we do that we might work the work of God? Cain could have asked such question. Und Cain hätte das auch fragen sollen. Was sollen wir denn machen? Was soll ich denn anders machen? Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et c'est la même question que Cain aurait pu aussi poser à l'Éternel. If God is not pleased with you, you have to surrender to him. Wenn Gott gefallen an dir hat, dann musst du ihn fragen, weshalb. Amen. Si tu plais pas à l'Éternel, ça veut dire que tu n'es pas soumis à l'Éternel. They asked for the work of God. Sie haben and Jesus gave them answer. He did not say shut up. Gefragt über das Werk Gottes, und der Herr hat ihnen geantwortet. Er hat nicht gesagt, halt den Mund oder verschwindet. Mm. Ils ont posé la question à Jésus-Christ et Jésus-Christ a répondu. Il n'a pas dit que fermez vos bouches. Amen. Mm. He said, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Mm. It's as simple. The Lord will tell you. He will reply you. He's a merciful God. Er ist ein gnädiger Gott. Jésus leur répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et Jésus-Christ leur a répondu, parce que c'est un Seigneur plein de miséricorde. If nothing is working and you believe nothing is working, instead of complaining and murmuring, why don't you go to him? Mm. Wenn ich and seek him and ask him, Lord, dann bitte frag ihn doch, is there anything you want me to believe? Or what is it? Help me to know. Wenn nichts funktioniert, dann frag ihn doch und bitte ihn doch um Leitung und um Offenbarung über diese Sache, anstatt dich zu beschweren. Mm. Donc, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, ou si tout ne marche pas dans ta vie, au lieu de te plaindre, de murmurer, va vers l'Éternel et pose-lui les questions que tu as, et il va te répondre. instead of Cain to us. Verse 5b, it said, and Cain was very wroth. Are we going back? And his countenance fell. He was very angry. Back to Esther Moses. Back to Genesis 4, please. Here. Sorry. On retourne à Genèse 4. You see it there. Here, verse 5. Verset 5 maintenant. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. It's your father asking questions. What things like this, Lord? Stell dir Fragen, was hat denn die Dinge so wie sie sind? Hilf mir es zu verstehen. C'est ton père. Pose-lui des questions. Demande-lui pourquoi les choses sont-ils comme elles sont. Il va t'expliquer. Are you getting it? And Cain was very wroth, and his countenance, he was very angry. Verse 6. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is your countenance falling? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel. Praise the Lord. You know, here the Lord is saying to Cain, if you do the right thing, I'm no respecter of a person. Gott sagt hier zu Cain, wenn du das gleiche tust wie dein Bruder, dann ich bevorzuge keine Leute, dann wirst es dir genauso gut ergehen wie dein Bruder. Et on peut voir que l'Éternel dit à Cain, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et tu agis mal, le péché se couche sur la porte et ce désir se porte vers toi. Donc, en d'autres mots, si tu fais les mêmes œuvres que ton frère, tu auras aussi les mêmes résultats que ton frère. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7 again. If thou doest well, shalt thou not be accepted? Are you getting it? Mm. And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Verse 8. And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Verse 9. Verse 9. And the Lord said unto Cain, here is Abel, your brother. And he said, I know not, am I my brother's keeper? The first murderer on earth. Der erste Mörder auf Erden. Le premier meurtrier sur terre. Amen. Mm-hmm. The Lord was so familiar with them. Der Herr war ihnen so nah. Or que l'Éternel était si proche d'eux. He was not even afraid of the Lord. Und deswegen war no fear. Hatte kein auch gar keine Angst vor Gott, weil sie so vertraut waren miteinander und leider haben sie diese Vertrautheit ausgenutzt, um dann respektlos gegenüber Gott zu sein und ihnen so frische Gegenantworten und Fragen zu stellen. Et malheureusement, ils ont pas pu nicht respektieren, sondern honorer la relation qu'ils avaient avec l'Éternel, parce que on peut voir que Caïn a menti à l'Éternel. Et or qu'ils étaient si proches et tout, il n'a pas pu honorer cette relation qu'ils avaient, mais plutôt ils ont comment on dit, praise the Lord, déshonoré l'Éternel. Ouais. Do you see something here, please? Mm-hmm. Am I my brother's keeper? You know the Lord is so merciful. This will help you to know he's so merciful. Because somebody that just killed somebody, blood, he fooled you. You know your heart, man. I'm very sure his blood was still everywhere in his body. Mm. And the reply he gave to God, am I his keeper? Amen. You come, you know, you just call a lion to swallow him. Tell lion, they will just, not even one. Are you getting it? Mm. But he's so merciful. He's a merciful God. Der Herr ist so gnädig, dass er so einer Person, die jetzt so frech vor ihm steht und immer noch das Blut seines eigenen Bruders in den Händen hält, zulässt, dass er so ihm antwortet, ohne danach vom Erdboden verschluckt zu werden. On peut voir à quel point l'Éternel est miséricordieux, parce que une personne qui vient de tuer son frère, qui a sûrement encore le sang de son frère partout sur son corps, dans ses mains, qui donne une telle réponse à l'Éternel, à notre Dieu Tout-Puissant, et qu'il ne soit pas tué directement, est vraiment une preuve de sa miséricorde. Oh, like Mercy just said, that the ground will just open and swallow him. Amen. He did it before, that of Moses. Amen. Those that were against Moses. The Lord come, you know, the ground was open. He swallowed all of them together. Der Erdboden wurde geöffnet und hat all diese Leute verschluckt, die gegen Mose waren. On peut voir qu'il est capable, parce qu'avec les ennemis de Moïse, par exemple, où la terre s'est ouverte et ils sont tous tombés dans un trou immense. Verset 10. And he said, what hast thou done? The voice of your brother's blood cried unto me from the ground. Are you getting it? Blood. Amen. Amen. Verse 11. And now art thou cursed from the earth, which has opened her mouth to receive your brother's blood from your hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A faggoty and a vagabond shall thou be in the earth. Verse 13. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. He's still talking. Amen. Verse 14. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from the face shall I be hid, and shall be a faggoty and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Verse 15. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain's list, any finding him should kill him. Oh, is somebody getting something here? Praise the Lord. You can see how merciful he is. On peut voir la miséricorde de l'Éternel. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. You can see where the people were now comparing, their sin. The sin, you know, verse 15. If Cain kill somebody and God was able to forgive him, how much more? At least I did not kill. I'm stealing. Are you getting it? That was how sin became so rampant. Und die Sünde hat danach ihren richtigen Lauf genommen, weil die Leute angefangen haben, sich mit sich selbst zu vergleichen und zu sagen, okay, wenn der seinen Bruder getötet hat, ich habe einfach nur meinen nervigen Nachbar getötet. Ne? Also deswegen müsste eigentlich meine Strafe weniger krass sein als die von Cain. Oder ich habe einfach nur geklaut, aber Cain hat getötet. Sie haben angefangen, sich miteinander zu vergleichen und haben deswegen gesündigt und noch mehr gesündigt. Et c'est comme, on peut voir que c'est comme ça que le péché s'est établi dans la terre et s'est dispersé, parce que les gens commençaient à se dire, si Caïn a été pardonné par l'Éternel et il a tué son frère, si moi je vole ou je mens seulement, je serai aussi pardonné. Et c'est comme ça que ça a continué. Praise the Lord. Amen. Let us love one another, not with the evil love of this world. Lass uns einander lieben, nicht mit der bösartigen Liebe dieser Welt. On doit s'aimer les uns les autres, mais pas avec l'amour mauvaise de cette terre, de ce monde. Amen. Amen. No, Cain once loved Abel. Cain hat Abel einst geliebt. Cain a sûrement aimé son frère. Amen. Praise the Lord. Amen. Allow our love. Let our love be unconditional. Love that there is no end. Eine Liebe, die kein Ende hat. Mais on doit s'aimer les uns les autres avec un amour inconditionnel, un amour sans fin, un amour. Amen. Heavenly love is God kind of love. Die himmlische Liebe ist Gottes Liebe. Donc l'amour céleste et l'amour de l'Éternel. Amen. Heavenly love is the love that there is no end to it. Die himmlische Liebe ist die Liebe, die kein Ende hat. L'amour céleste et l'amour sans fin. Amen. C'est pour immer. Cet amour est pour toujours. If you want to read it, it's in 1 Corinthians 13, love chapter. Amen. It's talking about heavenly love. Not earthly love, yeah, evil love here. Wenn wir das lesen wollen, können wir das in 1. Korinther 13 lesen. Da wird die Liebe von Jesus Christus erklärt. Si tu veux le lire, tu peux le lire dans 1 Corinthiens 13. Heavenly, on parle de l'amour de Jésus-Christ et pas l'amour de ce monde. Heavenly love should be our lifestyle. Die himmlische Liebe sollte unser Lebensstil sein. Cet amour céleste doit être notre mode de vie. This love is coming from Christ. Und diese Liebe kommt von Christus selbst. Parce que cet amour vient de Christ lui-même. Without Christ, you cannot love this love. Ohne Christus kannst du diese Liebe nicht weitergeben. Parce que sans le Christ lui-même, tu ne peux pas donner, partager cet amour. Amen. Heavenly love is our unity. Die himmlische Liebe ist unsere Einheit. Amen. Céleste est notre unité, c'est ça qui nous unit. Heaven love our unity. Der Himmel liebt unsere Einheit. Et l'Éternel, non, le ciel adore notre unité. Heaven love our unity, to be one in Christ. Der Himmel, unity means to be one in Christ. Der Himmel liebt unsere Einheit, eins not zu sein in Christus, nicht eins zu seinem Bösen.